nous conseillons et ordonnons, sans interdire et sans punir, astérisque. Dans le credo du NICOM, nous fournissons des conseils au public sur la manière de suivre une méthode, un comportement, une proposition, une activité ou un chemin en fonction de ses points positifs, ou de quitter ou d'éviter une méthode, un comportement ou une activité en fonction de sa négativité. Ainsi que dans la même mesure que nous ordonnions au public d'exécuter une activité ou d'agir selon sa santé et son importance, ou de ne pas exécuter l'un des facteurs susmentionnés en raison de son erreur ou de son inutilité. Astérisque. Dans le même libellé, le credo Unicom n'interdit aucune méthode, activité ou travail de l'homme. Et personne n'est puni parce qu'il a pratiqué une méthode ou effectué une activité, peu importe ce qui s'est passé, parce que l'interdit. La prévention et la punition sont des devoirs et des responsabilités d'autorité et de l'égalité, et cette autorité et cette loi, selon les concepts de la croyance Unicom, ne la légiférez pas. Ne la louez pas, ne la mettez pas en œuvre et n'ordonnez pas sa mise en œuvre, sauf un contrat collectif pour une société humaine basée et d'accord sur les concepts et les intérêts et les exigences humaines dans la formulation collective de l'humanité du tout. Cependant, le credo d'Unicom est un credo social. Ses objets sont conducteurs cultivants, volontaires, facultatif et non obligatoire et non observationnel et non pas de manière punitive et non disciplinaire. Astérisque. Par exemple, comme credo Unicom, ce n'est pas son devoir, ses objectifs ou ses principes d'obliger quiconque ou de surveiller quiconque ou de punir quiconque pour ce qu'il porte, ce qu'il mange, ce qu'il boit, ce qu'il épouse, ce qu'il fait, ou ce qu'il fait, ou comment fait-il. Parce que la société et toute société est un système social divers et nombreux, en raison de leur nature biologique et de leurs coutumes humaines, tant que leur nombre dépasse une personne. Et que la croyance ou la religion et toutefois religion font partie de tout, même si tous sont des croyants ou des marcheurs pour son approche, et que l'inclusion obligatoire dans la croyance et la foi et la pensée sont abus, violations, privations et contradictions avec la réalité de la nature et avec les concepts et les exigences de la vie de l'être humain, donc non. En tant que credo Unicom, de notre devoir, de nos objectifs et de nos principes, de conseiller par tout ce qui peut exercer une influence positive ou empêcher les influences négatives sur les êtres humains et leurs environnements cosmiques, partout où THI le sont, et quel qu'il soit, et de diriger et de fournir tout ce qui est positif selon les concepts humanitaires et leurs besoins, car nous en faisons partie intégrante. Chaque être a un droit et un rôle dans sa société en vertu de la nature cosmique.